Bosco, Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. L'Agence de régulation et de contrôle des assurances constate que des assureurs ne respectent pas la nouvelle décision concernant la fixation du tarif minimal. Vous entendrez les précisions et explications du secrétaire général de l'ARCA. Des médias suspendus et d'autres sous avertissement pour manquement à leur mission et diffusion d'informations susceptibles de semer la haine. Voilà quelques décisions annoncées par le Conseil national de la communication à l'issue de l'analyse de l'état des lieux de l'exercice de la profession journalistique au cours du premier trimestre 2023-2024. Et la colline Kivuruga en commune Gatara de la province Kayanza vient de passer 2 ans sans courant électrique, mais avec des poteaux installés à cet effet. L'administration communale leur suggère de payer d'abord pour les compteurs à la régie de production d'eau et d'électricité, la régie des eaux. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Certains assureurs n'appliquent pas correctement les nouveaux tarifs minimums, alors que d'autres hésitent à autoriser le paiement échelonné des primes en matière d'assurance de la responsabilité civile automobile. Voilà certaines lacunes déjà enregistrées par l'Agence de régulation et de contrôle des assurances sur la nouvelle décision concernant la fixation du tarif minimal. Dans un point de presse ce mercredi, Joseph Boutoré, secrétaire général de cette agence, a indiqué que l'assureur contrevenant en cette matière s'expose aux sanctions. On l'écoute. Démission des dessins de contrôle et les manquements relevés sont de désordre. D'abord, il y a eu des assureurs qui ont appliqué le tarif minimum plus quelque chose. Au mois où ce plus quelque chose doit recevoir un visa de l'Agence de régulation de contrôle des assurances. Alors, ce problème a été détecté. Les concernés ont déjà reçu les instructions strictes et relatives et les délais à l'appui. Et je me dis qu'au plus tard la semaine prochaine, les choses reviendront en ordre. Deuxième défi observé, des assureurs qui hésitent à permettre à les assurés de payer la prime de façon échelonnée, mensuellement ou trimestriellement ou bien semestriellement. Ici, on a remarqué que c'est une question à gérer cas par cas, entre l'assuré et l'assureur. Ils se connaissent mieux. Parce que les assurés aussi, ils ne sont pas tous de bonne foi. Il y en a qui veulent peut-être profiter pour prendre une couverture annuelle et après peut-être se dérober. L'important, c'est que Dieu merci, aujourd'hui, on a plus d'une société d'assurance non-vie. Si vous ne parvenez pas à vous entendre avec le réseau de Bicol, qui est à côté de moi, médecin, vous pouvez vous diriger vers une autre compagnie d'assurance. Et là, vous pouvez peut-être trouver le consensus avec le dirigeant. Alors là, vous prenez votre garantie annuelle et on vous permet le paiement échelonné. Actuellement, qu'est-ce qu'ils se faisaient? L'assureur prend la prime d'aujourd'hui, août-septembre 2023, pour payer les sinistres de 2022-2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi qui donne ma prime aujourd'hui, si en novembre j'ai un problème, l'assureur n'a pas d'argent pour m'indemniser. C'était ça le problème. Cette fois-ci, que le tarif minimum, en tout cas, il est proportionnel à l'ampleur des sinistres, on se dit qu'il n'y aura plus de rentrée pour le paiement des sinistres. Sinon, les assureurs savent très bien à quoi ils seraient exposés comme sanction, comme punition sévère. Joseph Boutoré, c'est le secrétaire général de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances. 6 médias, dont Ihuriro TV, Business Time, ont été suspendus depuis ce mardi par le Conseil national de la communication, tandis que d'autres organes de presse, dont Yaga, Iwachu et Bonesha FM, ont reçu de la part de ce régulateur des avertissements pour manquement aux missions qu'il s'était fixées, ainsi que la diffusion des informations qui sèment la haine. Ambassadeur Vestine Nahimana, présidente du CNC, l'a déclaré à l'issue d'une réunion de 2 jours consacrée à l'analyse de l'état des lieux de l'exercice de la profession journalistique au cours du premier trimestre 2023-2024. On fait le point avec Clovis Nyongoro. Selon l'ambassadeur Vestine Nahimana, présidente du Conseil national de la communication CNC, certains organes de presse, dont Business Time, sont suspendus pour n'avoir pas exercé la profession comme ils ont promis au moment de leur autorisation. Il s'agit maintenant de télévision en ligne comme World TV, Ihuriro TV, Business Time, W. Leaders, magonline.com, site de la COSOM et JTV et Show Up TV. Pour ces médias de la TV en ligne, la mesure prise par le Conseil national de la communication, c'est tout simplement la suspension. D'autres médias ont été mis en garde pour le même motif au moment où d'autres, encore dont le journal Iwacu et la radio Bonesha FM, pour avoir diffusé des informations portant atteinte aux bonnes mœurs, non vérifiées ou diffamatoires, selon toujours Vestine Nariman. Les médias comme Iteka FM, Kazoza FM, BTV et Roy TV, voix de la CCIB FM plus Indundi Culture et Bonesha FM, plateforme de la radio Isere FM, Net Presse, l'agence de presse Bimenye Burundi Communication Center, BBCC, site Ekiriho, site Iwacu, Radio Agakiza, Radio La Voix d'Afrique, Hit Radio et la radio télévision de l'International University of Equator. Au niveau de la presse écrite, il s'agit du journal Burundi Pride. Il y a des journaux en ligne, webburundinet.org, Inama Nkenguzamateka, Ikiyago Chinama Shingamateka, le journal Jimbere, Echo Sanctuaire, Imboneza News, Magazine Tubirabe et journal Inkino Magazine. Ces journaux sont mis en garde. En outre, Vestine Nariman a rappelé que la presse écrite est tenue à présenter les copies de leurs réparations au CEDI Conseil national de la communication. Clovis Nyonguru, les audits de la Cour des comptes effectués dans les hôpitaux révèlent des cas d'évasion pour non-paiement de factures. Le plus grand nombre étant celui de l'hôpital Muyinga qui a enregistré 269 cas de 2018 à 2021. Lors de la présentation du rapport à l'Assemblée nationale, certains députés ont plaidé pour qu'il n'y ait plus de personnes retenues dans les hôpitaux pour insolvabilité. Le ministre de la Santé, Dr Sylvie Nzeyimana, a promis des mesures pour aider la population à accéder à la couverture sanitaire universelle. Sheila Irambona. Ce rapport d'audit que la ministre de la Santé a présenté à l'Assemblée nationale a montré pas mal de défis au niveau des hôpitaux, que ce soit dans la gestion, la prise en charge des patients ainsi que l'insuffisance de certains équipements matériels. Sur le point de la prise en charge des patients, les sorties des patients guéris ont été évoquées, évoquent des personnes qui se sont évadées faute de moyens pour payer leurs factures. En 2021, de janvier à juin, 189 cas ont eu lieu à l'hôpital Muramvya, 64 cas ont eu lieu à l'hôpital Chibitoke de 2021 à 2022 de juillet à mai, tandis que 269 ont eu lieu à l'hôpital Muyinga de 2018 à 2021. Sur ce point, les parlementaires ont demandé à la ministre de la Santé si garder ces gens était une solution. Il arrive que toutefois une personne aille se faire soigner et qu'elle manque de moyens indigents ou autres et que du coup elle soit retenue par les hôpitaux morts ou vifs. Pour le libérer, la famille se retrouve en train de collecter des fonds. Les autres l'ont déjà signalé et je me suis demandé si le retenir est la meilleure solution. Lorsque j'ai entendu qu'il existe toujours des patients retenus dans les hôpitaux, cela m'a étonné. J'ai été stupéfait car j'ai vécu cette situation. Jusqu'en 2014, les malades étaient détenus dans les hôpitaux très souvent. Si nous sommes toujours dans cette situation, nous sommes revenus à la case de départ. Et au président de l'Assemblée nationale de proposer une solution, le ministère devrait envisager de donner des travaux d'intérêt général aux personnes pour les aider à rembourser petit à petit les factures. Qu'on envisage comment ces personnes malades, une fois guéries, parviennent à rembourser leurs factures. Qu'on leur donne des travaux à faire pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes petit à petit. Sur ce point, la ministre de la Santé a rassuré, le gouvernement va envisager de mettre en place une politique de santé pour tous. Ce n'est pas vraiment compréhensible qu'on puisse avoir un tel nombre d'évadés alors que le gouvernement a pris des mesures pour aider la population à accéder facilement aux soins de santé. Des mesures vont être prises pour qu'on puisse arriver à la couverture de santé universelle. Au cours de cette séance, les parlementaires ont démontré que ce secteur est miné par beaucoup de défis. Ils ont proposé à la ministre de la Santé de préparer les états généraux de la santé. Merci Sheila Irambona. Les agriculteurs de la colline Kibingo en commune Kigamba de la province Tchankouzo sur la lisière du parc national de la Rububu réclament des indemnisations pour les dommages causés dans leurs champs par des animaux de ces terres protégées. Le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement reste dubitatif pour l'instant sur la mise en place d'un fonds irrelatif, même s'il est prévu par le code forestier. Un reportage réalisé avec le soutien de Rainforest Journalism en partenariat avec Pulusar Center. Omer Ndouayo. Le prétexte d'exercer ces activités champêtres sur la lisière de ce parc national n'est autre que la terre de cette localité est encore fertile par rapport aux autres propriétés qu'ils possèdent, estiment ces agriculteurs. Leurs lamentations sont liées au manque d'indemnité lorsque les animaux détruisent leurs champs. Les animaux ravagent nos cultures et ne sommes pas indemnisés. Cependant, lorsqu'un habitant tue un animal, il est sévèrement poursuivi. Nous demandons la régularisation pour les dommages causés par ces animaux. Pour barrer la route à ces animaux, les agriculteurs leur lancent des pierres. Explication de Buchumi Mathias, l'un des élus locaux, lui aussi en possession des champs dans cette zone. Nous faisons des gardes nocturnes. Si nous voyons un animal, nous crions pour qu'il parte. Des fois, nous lançons des pierres aux animaux où nous allumons le feu pour les effrayer. Selon Marc Bakundinwari, responsable de ce parc, le manque d'une zone tempo d'un kilomètre, tel que recommandé dans le code forestier, est un défi à la maîtrise du mouvement de ces animaux. Tout le long du parc de Rovo, il n'y a pas de zone tempo. Et l'absence de cette zone tempo constitue une menace parce que les animaux sauvages que nous avons ici, à la recherche du pâturage tendre, il quitte le parc. En sortant le parc, il ravage les champs ou les cultures de la population. Ce même code envisage un fonds forestier pour le dédommagement. Marc Bakundinwari, responsable du parc national de la Rububu, plaide pour la mise en place de fonds pour répondre aux doléances de ces agriculteurs. Des conflits persistent parce qu'ils disent qu'il faut quand même qu'au niveau de l'OPP, on puisse indemniser ou payer ceux qui ont été détruits par ces animaux. Mais au niveau du parc de la Rububu, il y a absence des fonds. Et ça constitue quelquefois des conflits. Et nous demandons quand même qu'au niveau de notre ministère, il y ait un fonds pour indemniser ou pour payer ceux qui ont été détruits par ces animaux. Un fonds difficile à mettre en place pour le moment, répond Berkima Satungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Pratiquement pour le moment, je dirais que c'est difficile de mettre sur les pieds donc, ce fonds qui se chargera donc d'indemniser les gens qui disent que les animaux sortant des parcs endommagent leurs cultures. Mais à Rububu, les entretiens que nous avons eu avec la population, nous leur avons montré des cultures qu'ils peuvent cultiver aux alentours des parcs. Cette aire protégée de la Rububu est partagée par 8 communes des provinces de Karusi, Ruigi, Changuze, Muyinga. 44 espèces d'animaux constituent la faune du parc de la Rububu. Parmi cela, 80% sont des herbivores. Omer Ndouayo. Les habitants de la colline Kivuruga en commune Gatara de la province Kayanza se plaignent du manque de courant électrique alors que des poteaux sont installés à cette fin depuis plus de 2 ans déjà. L'administrateur Sylvain Gakuyano demande à cette population de payer dans les meilleurs délais les compteurs électriques à la régie des eaux pour qu'à son tour, cette société les raccorde à ses installations. Patrick Sengiyumva. Certains de ces habitants de la colline Kivuruga contactés lorsque nous les avons rencontrés au centre Kivuruga ont indiqué qu'il y a plus de 10 ans que les poteaux des fils électriques ont été dressés et que le transformateur du courant électrique a été aussi installé, mais qu'ils ont attendu longuement l'électrification de la colline Kivuruga, mais toujours en vain. Ils disent que les chargés du service de la régie des eaux et l'administration communale leur promettent l'alimentation en courant électrique de cette colline Kivuruga, mais qu'ils ne tiennent pas parole. Niyibitanga Anissé, le chef coordinateur Kivuruga, dit lui aussi ne pas être au courant des problèmes liés à son manque de courant électrique. Un coiffeur qui se sert dans ses activités de coiffure du courant du panneau solaire interrogé à ce sujet a fait savoir qu'il éprouvait beaucoup de difficultés dans ses activités du fait de manquer du courant électrique de la régie des eaux. Les habitants de la colline Kivuruga demandent aux services chargés d'alimentation du courant électrique de trouver solution à ce problème afin que les activités nécessitant du courant électrique soient exercées pour permettre à la population de se développer. Au niveau de l'administration en commune Gatala, on dit être au courant du manque du courant électrique à la colline Kivuruga. Gakuyano Silvana, administratrice communale Gatara, invite les habitants de Kivuruga qui ont besoin du courant électrique de payer des compteurs électriques à la régie des eaux afin que leurs collines soient électriciennes. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimba pour la radio Isanganiro. Toujours dans les nouvelles des provinces, un peu plus de 235 hectares sont occupés par la population dans les massifs montagneux de Kibimbi Nanzeroué. Le directeur des forêts à l'Office burundais pour la protection de l'environnement dit que les parties prenantes vont s'informer de la provenance des familles et que même d'autres activités qui s'y exercent seront suspendues pour la protection de ces massifs. Annonce faite ce mardi dans la province de Makamba au cours d'un atelier de validation du document d'étude d'identification d'Okibimbi Inanzerwe en aire protégée. Élisée Cuisera. Cette superficie de 235,38 hectares occupée par la population se trouve sur le massif montagneux Kibimbi Inanzerwe qui s'étend à cheval entre les provinces de Bururi et Makamba. Le directeur des forêts à l'Office burundais pour la protection de l'environnement, Samuel Niwitanga, dit que les parties prenantes vont s'enquérir de la provenance des familles qui occupent cet espace pour les retourner dans les lieux d'origine afin de protéger ces massifs. À propos de ces familles, il indique que 23 sont déjà signalées, surtout sur le secteur de Kibimbi. À côté de celle-ci, il parle aussi des groupes de personnes qui possèdent des étables dans ces massifs et d'autres activités s'y exerçant illégalement, comme l'abattage des arbres pour la fabrication du charbon, ainsi que les fins de brousse qui doivent être suspendues. Au cas où le décret régissant ces massifs montagnés en aire protégée sera signé, ces massifs vont s'ajouter à d'autres 14 aires protégées qui existent déjà au Burundi. Signalons que la superficie de ces massifs est de 11 642 71 hectares, comme il a été dit ce mardi dans la province de Makamba lors de l'atelier de validation d'identification des massifs montagnés Kibimbi Inanzerwe en aire protégée. Depuis Makamba, Élisée Cuisera, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Les divisions au sein des confessions religieuses peuvent provoquer des messages de haine entre les communautés, une affirmation des habitants de la commune Nyanzalak. Ils estiment que les divisions ethniques et la dîme sont quelques-unes des raisons de ces divisions des églises. Onesphore Nyongendako, secrétaire permanent dans cette commune, confirme ces informations et fait savoir que l'administration communale essaie de ramener les fidèles à la raison. La chronique parlera sur moi, signée Mireille Kanyang. Certains de ces habitants de la commune Nyanzalak disent avoir déjà assisté à des divisions dans les églises, suivies par des violences verbales. Avec ces églises, ici en commune Nyanzalak, il y a un problème. Certains disent qu'ils viennent de l'intérieur du pays, d'autres que ce sont des rapatriés, et il y a mésentente entre les deux groupes. Pour d'autres encore, ils évoquent la crise de 72, d'autres des Tutsi qui sont restés, ainsi ils se chamaillent. Les messages de haine, je les entends dans les églises où il y a des responsables qui ont fui et que l'autre est resté. S'il rentre, il veut rester responsable, ce qui crée des divisions. Ces habitants font savoir que la crise de leadership, elle-même basée sur des divisions ethniques ainsi que la dîme, sont les principaux facteurs. Avec les ethniques, il y en a qui soutiennent les Hutus et d'autres qui soutiennent les Tutsi. Je me réfère à l'église Ezebu. Entre autres points de dispute, c'est la dîme. Selon les rapatriés de 1972, ceux qui sont restés n'ont pas développé leur église. Ces divisions, ajoute cette population, conduisent la communauté à se diviser. Dans la communauté, on ne se regarde pas bien. Si on partageait une église et qu'on commence à se diviser, chacun va de son côté. Il peut y avoir de la haine à travers une église. Si quelqu'un est attaqué, l'autre peut s'en réjouir et vouloir que l'on tue l'autre. Comme on est en désaccord, ne partageant pas l'église, il n'est pas possible de mettre sur la même longueur d'onde. Au sein de l'administration communale à Nyanzalak, l'on confirme des divisions au sein des églises pouvant engendrer une mauvaise cohabitation. Onesphore Nyongendako est secrétaire communal permanent. Comme la population de Nyanzalak est une population hétérogène, il peut y avoir des conflits qui sont basés sur les religions, mais à l'interne de ces religions. L'exemple typique, c'est l'exemple récent de la communauté des églises du Saint-Esprit appelée Ezebo, là où il s'est observé ces derniers jours de division à l'interne avec les adeptes de cette religion. Il s'est observé qu'ils se sont chamaillés jusqu'à ce qu'il s'observe certains adeptes qui se emprisonnent. Pour barrer la route au message haineux pouvant surgir avec ces divisions, cette autorité fait savoir que la commune organise chaque fin du mois des réunions des responsables des églises. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimane.